d'égalité. Ne reviens jamais. Ne reviens jamais. This is a banger. Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Est-ce que tu penses que je l'ai mérité? Tu m'as tourné le dos sans hésiter. Mon bébé, avec toi je pensais avoir l'immunité. Et dire que tu le savais, mais t'as préféré me mentir. Je vais te haïr comme je t'ai aimé, ça je peux te le garantir. Non, ne reviens pas par loin. Non, ne reviens pas par loin. C'est toi-même que t'as trompé. Bien fait pour toi. Ça aurait pu le faire, toi et moi, mais t'as gâté. Mais t'as gâté. J'espère que devant le miroir, tu te dis que t'as tout gâché. T'as tout gâché. Ne reviens jamais, jamais, jamais. Ne reviens jamais, jamais, jamais. Ne reviens jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Oh, oh. Je le nie pas, j'étais dans mes pensées toutes les nuits. T'étais mon bébé, mon doudou. Maintenant t'es devenu mon ennemi. Oh, oh. Tu avais mon cœur entre tes mains. Tu as décidé de le briser. C'était nous deux contre eux tous. Tels sont les mots que tu disais. Et dire que tu le savais, mais t'as préféré me mentir. Je vais te haïr comme je t'ai aimé, ça je peux te le garantir. Non, ne reviens pas par loin. Non, ne reviens pas par loin. En plus je sais qu'il t'a trompé. Bien fait pour toi. Ça aurait pu le faire toi et moi, mais t'as gâté. Mais t'as gâté. J'espère que devant le miroir tu te dis que t'as tout gâché. T'as tout gâché. Jamais, jamais, jamais, ne reviens jamais, jamais, jamais, ne reviens jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, oh, oh. Reviens jamais, ne reviens jamais, jamais, jamais. Ne reviens jamais, jamais, jamais. Ne reviens jamais, jamais, jamais. Ne reviens jamais, jamais, jamais. Ça aurait pu le faire toi et moi, mais t'as gâté. Mais t'as gâté. J'espère que devant le miroir tu te dis que t'as tout gâché. T'as tout gâché. Ne reviens jamais, jamais, jamais. Ne reviens jamais, jamais, jamais. Ne reviens jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Oh, oh.